Êtes-vous prêt pour une vague de nouveautés? C'est la chance au coureur! Bonjour et bienvenue à la Chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Mon nom est Mathieu Plante en ce vendredi matin slash samedi ou mardi après-midi. Bonjour à vous. Vous allez découvrir plein de choses aujourd'hui. Du côté francophone, on n'a pas beaucoup de disques cette semaine. On va entendre, entre autres, tantôt Métambiose. Mais on commence par Catherine Ferroyer-Blanchard qui nous envoie une cassette, deux titres, chansons d'amour. Et voici sa présentation de ses pièces tout de suite à la Chance au coureur. En 1984, j'étais dans l'avion et je pensais à l'amour et je me suis mise à griffonner mes pensées sur le sac en papier Kraft. Comme mes mots sont des notes de musique, ça a donné chanson d'amour. Je suis émue parce que c'est ma chanson la plus personnelle. En avant l'émotion! Je veux chanter mon amour, une chanson d'amour. Je commencerai par où? La fin ou le début? La fin. Bien sûr qu'il y aura une fin. D'ailleurs, celle-ci m'obsède. Et me rend folle, est-ce que tu le perçois? Tout est-il déjà fini? Tout est-il déjà écrit? Tu as dû lire ça 100 fois, mais j'ai raison, tu verras. Mon amour, c'est une chanson d'amour. Pour toi ou pour quelqu'un d'autre, peu importe, je m'en fous. Mon amour, je n'ai rien d'autre à nous dire. Parce qu'il n'y a rien à penser, tout est déjà terminé. J'aimerais bien te chanter, ta peau. Ta bouche, mais avant même que tu t'en ailles, je t'ai déjà oublié. Ne pleure pas, c'est inutile. Demain, ça ira mieux. Ou alors, ce sera pire. Quoi qu'il en soit, ça sera pareil. Wouh! Ah! Ah ah! Wouh! Mon amour! Toi ou pour quelqu'un d'autre, peu importe, je m'en fous. Mon amour, je n'ai rien d'autre à nous dire. Parce qu'il n'y a rien à penser, tout est déjà terminé. Wouh! Quelle chanson! Vous êtes toujours chaud comme un incendie de poubelle? Super! Ferroyer-Blanchard avec Chanson d'amour. Et maintenant, on écoute la version satanique Porno Cult Shop Remix de la même pièce Chanson d'amour. Et plus tard, on a entendu Si bien trop tard, on va entendre une version remix de celle-là aussi. Ça va être magique à la chance au coureur. Je veux chanter mon amour, une chanson d'amour. Je commencerai. la fin ou le début, la fin. Bien sûr qu'il y aura une fin. D'ailleurs, celle-ci m'obsède, m'observe et me rend folle. Est-ce que tu le fais, toi? Tout est-il déjà fini? Tout est-il déjà écrit? Tu as dû lire ça 100 fois, mais j'ai raison. Tu verras. Mon amour, c'est une chanson d'amour. Pour toi ou pour quelqu'un d'autre, peu importe, je m'en fous. Mon amour, je n'ai rien d'autre à nous dire. Il n'y a rien à penser, tout est déjà terminé. J'aimerais bien te chanter ta peau, tes bras, ta bouche. Mais avant même que tu t'en ailles, je t'ai déjà oublié. Ne pleure pas, c'est inutile. Demain, ça ira mieux. Ou alors, ce sera pire. Quoi qu'il en soit, ce sera pareil. Ferroy Blanchard avec sa cassette 2 titres chansons d'amour. On vient d'entendre le Satanic Porno Cult Shop remix de la pièce chansons d'amour. Avant ça, c'était la version originale de C'est bien trop tard, et avant ça, la version originale de chansons d'amour. Dans quelques secondes, on s'en va entendre la version remix Scald de C'est bien trop tard. Donc, sur le cassette 2 titres qu'elle nous a envoyé, bon, il y a en tout 5 pièces. Le preview qu'on a entendu au départ des 2 pièces, chansons d'amour, C'est bien trop tard. Ensuite, le Satanic Porno Cult Shop remix de chansons d'amour et de C'est bien trop tard. Le Dessous Chicks remix de Chansons d'amour et le Scal remix de C'est bien trop tard. Ça en fait des choses sur un même album. Donc parlons un petit peu de Catherine Ferroyer-Blanchard. Née dans les quartiers huppés de Monaco, Catherine Ferroyer-Blanchard grandit entre bijouterie, casino et diadème. Fascinée par les régimes républicains depuis son enfance, elle saute le pas et s'installe à Paris en 1999. La capitale l'accueille à bras ouverts, imposant son style de cocktail en vernissage. Elle crée Wendy Magazine et assoit son influence. Inconsciente que cela allait changer sa vie, elle rencontre Comité Central lors d'une avant-première. Littéralement impressionné par son style, son charisme et ses boucles d'oreilles, il décide de lui écrire une chanson. C'est ainsi que naît « C'est bien trop tard », hymne pop décalé sur la frustration, le désespoir et la décrépitude des corps. Immédiatement signée chez Mort aux Jeunes Records, elle enregistre tube sur tube « Me and Madonna », chanson d'amour et « Je ne suis rien ». Dès lors, tout s'enchaîne pour elle. Très vite, du pulp au Paris-Paris, en passant par le Concorde Atlantique, elle déplace les foules pour des concerts hystériques. Actuellement enterrée en studio, elle prépare la tournée de promotion de sa toute première cassette de titre « Chanson d'amour ». Si vous allez sur son site catherine-ferroyer-blanchard.com, vous allez pouvoir voir son vidéoclip « Me and Madonna clap clap las las remix » et « Chanson d'amour pop not pop » en spectacle. Donc les deux sont sur scène pour Catherine Ferroyer-Blanchard, tandis que sur son MySpace, au myspace.com/CatherineFerroyerBlanchard, vous pouvez retrouver et écouter les sataniques porn cold shop de chansons d'amour de C'est bien trop tard, les Dessous Chicks, Scald, tout ce dont on a parlé tantôt, et puis télécharger des pièces dont tu fais le malin, hein, c'est sur son MySpace, et l'album est maintenant dans les bacs, elle vient de Paris en France, et voilà que son album arrive aussi au Québec. Plus d'informations encore une fois, Catherine-Ferroyer-Blanchard.com. Maintenant, on écoute tout de suite la version Scald Remix de C'est bien trop tard, tout de suite à la chance! Au coureur à la Radio Campus de C'est fou 89.1 FM. C'est la seule radio de C'est fou, mais quand même. C'est une de nos personnalités. Première cassette de titre de Catherine Ferroyer-Blanchard qui est sortie le 22 juin au Québec. La cassette audio est omniprésente dans l'esthétique pop d'aujourd'hui, mais totalement absente des Walkman eux-mêmes rangés dans des cartons, dit-elle. Catherine Ferroyer-Blanchard, jeune chanteuse électropop, réhabilite l'objet et sort le 22 juin son premier single « Chanson d'amour » sous forme de cassette de titres. Catherine Ferroyer-Blanchard chantonne des textes faussement ingénus sur des mélodies aspartames et des arrangements électro-dansants. Elle a grandi à Monaco entre Casino et Bijouterie, on disait tantôt, mais c'est dans l'underground parisien qu'elle a rencontré le DJ et producteur Comité Central, auteur de la face A Chanson d'amour et de la face B C'est bien trop tard. Entourée de l'équipe des soirées Mort aux jeunes au Pulp à Paris, qui a créé le label Mort aux jeunes Records pour publier la cassette, Catherine se produit depuis plus d'un an sur les scènes de clubs parisiennes. Elle a entamé une tournée qui culminera à la Flèche d'or le 22 juin, donc c'est au passé si on veut. Son projet est une affaire de look. La cassette et le baladeur sont, selon elle, des accessoires indispensables comme de musique. Elle a demandé à des artistes talentueux de la scène électro de remixer ses chansons. Bon, on a entendu tantôt Satanic Porno Cold Shop, Scald est ce qu'on entend en ce moment, Denton Eprom, Les Petits Pilous, De Sous-Chic, etc. Un vidéoclip est en outre réalisé par Johan Lemoine. Vous pouvez aller le voir sur Catherine-Ferroyer-Blanchard.com. Voilà, et vous procurez le disque si ça vous intéresse. Donc voilà qui fait le tour pour Catherine Ferroyer-Blanchard. Maintenant, on passe à quelque chose de complètement différent. Comme toujours, c'est Métambiose. On parlera d'eux tantôt, mais pour l'instant, voici une première pièce de leur part. À la chance au courant, l'émission qui découvre les nouveautés musicales. À C'est fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. We'll be right back. faisait son chemin sans se regarder d'un œil malin. Il y aurait moins de tragédies, moins de soucis, moins de cris. Bref, une meilleure vie. Métambiose à la chance aux coureurs. Parlons un peu Métambiose, un nouveau groupe de Montréal. Et là, je cite leur document de presse. « Nous voulons partager notre passion de la musique en faisant vibrer le sol québécois au rythme de rock aux influences alternatives, progressives et expérimentales. C'est pourquoi nous vous présentons notre CD contenant deux chansons de notre répertoire, soit Étau entre deux crochets à l'envers et Tragédie. Le chant francophone souvent mis de côté par les artistes de rock est pour nous au contraire d'une grande importance, ce qui fait de notre groupe un défendeur de la culture québécoise et française. De là aussi vient notre idée d'une coproduction franco-québécoise pour la réalisation du CD. Nous espérons que ces chansons vous plairont et que nous aurons le plaisir d'entendre celles-ci sur vos ondes très bientôt. Voilà qui est fait. Leur site web est sur le myspace.com/métambiose, M-E-T-A-M-B-I-O-S-E. Ou sinon, passez par le site de l'émission au www.unechance.com pour avoir plus d'informations sur le groupe. On s'en va entendre leur deuxième extrait tout de suite. À la chance! Au couvert! Et en passant, justement, on découvre les nouveautés musicales avec vous au 89 FM, la Radio Campus de Trois-Rivières. Tout le monde faisait son chemin sans se regarder d'un œil malin. Il y aurait moins de tragédies, moins de soucis, moins de cris. Bref, une meilleure vie. Au retour, on écoute le nouvel album de Fruit Fly, Maxi Brut, à la Chance au coureur. Vous écoutez la Chance au coureur et on écoute une première pièce de l'album Maxi Brut de Fruit Fly. Voici Who's Your Daddy? Fruit Fly avec Who's Your Daddy à la chanson coureur. Parlons un petit peu de ces Fruit Fly. Puisant dans le rock, le funk, le jazz arrosé d'une sauce psychédélique, la formation montréalaise Fruit Fly vient d'arriver. Pour la première fois, en fait, c'est pas nouveau du tout. Je les ai vus en spectacle il y a peut-être un an et demi, deux ans, je sais pas trop, au Zénob à Trois-Rivières avec ce même album, donc c'est très très vieux. Pour la première fois, donc, le troisième disque du groupe sera distribué à l'échelle nationale par Local Distribution et sera disponible partout en magasin dès le 3 juillet, c'est fait. La formation va être ensuite en tournée canadienne du 12 au 27 juillet qui les amènera de Halifax à Montréal. Actif depuis maintenant 6 ans, Fruit Fly s'est forgé une place sur la scène musicale underground québécoise et leur rafraîchissante musique sur leur dossier de presse a d'ailleurs charmé l'animateur Claude Rajotte qui les a sélectionnés pour une pièce de son album Coup de cœur. On passe à la deuxième pièce, voici le beurre corporel à la chance au coureur à C'est fou 89.fm. We'll be right back. said the butter's bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter. Formation montréalaise Food Fly avec le beurre corporel à la chanson coureur. Leur album s'appelle Maxi Brut. Maintenant, voici une artiste canadienne, Tia McGrath, et son album Day in My Shoes à la chanson coureur. Said, let me tell you something, boy, memories just ain't fair. If time and life and love and hurt and sticks and stones and mud and dirt and hope and faith and bad mistakes make your heart strong, be rock by now. Ought to be rock by now. He said, I wish I could forget their faces and their names. They say that you get over it, but everyone still hurts the same. Sticks and stones and mud. Tia McGrath avec l'album Day in My Shoes et la pièce Hope is Everything ou Ought to be Rock. Ought to be Rock. À la chanson coureur, c'était quelque chose. C'était quelque chose certainement. Tia McGrath, artiste acoustique folk rock country ou Americana folk rock avec un petit peu de country, dit-elle. Elle vient de Port Denver au Canada. Les membres du band sont Tia McGrath à la voix et la guitare, Tommy Parham à la guitare acoustique et les back vocals, Brian Ancliffe à la guitare bass, Bart Lingley à la batterie et aux percussions, Steve C à la guitare électrique, Dan Walsh au dobro et lap steel et clavier. Je crois que c'est le clavier de John Shaw. C'est tellement mal écrit. Enfin bon, donc il va être en spectacle un petit peu partout au Canada si ça vous intéresse très bientôt. Son album s'appelle Day in My Shoes. On passe à un band qui se nomme Ghost House. On a reçu deux albums de leur part. Un album, en fait, je crois que les deux datent de 2006 parce que je sais que Departures date de 2006. Ça, je le sais. Et l'autre, ça a été enregistré en septembre 2006. Celui qui s'appelle These Are Ghost House. Donc maintenant, on va entendre une pièce de l'album Departures. Voici Modern Manners à la chanson coureur. Assez fou 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Just stand there. Ghost House avec la pièce Origami Nightmare de l'album Departures à la chanson coureur. Et c'est la fin de la première heure de la chanson coureur, donc résumons un petit peu ce qu'on a entendu depuis le début. On a écouté Catherine Ferroyer-Blanchard avec son super chanson d'amour cassette de titre. Ensuite, on a entendu Métamorphose avec l'album éponyme, Fruit Fly avec Maxi Brut, Tia McGrath avec Day in My Shoes, et maintenant c'était Ghost House avec Departures. Dans la deuxième heure, on va entendre l'autre album de Ghost House qui s'appelle These Are Ghost House, et Zwerg avec Into the Fourth Dimension. Et je crois que plus tard, il y a quelque chose de très très très très intriguant qui s'en vient. Matt Fuzz et son Game Boy. La musique de jeux vidéo vraiment géniale, restez là pour ça. Mais tout de suite, c'est la fin de la deuxième heure. Restez avec nous, c'est Fou 89.fm. On commence la deuxième heure de la chanson coureur. Voici Ghost House avec de leur album These Are Ghost House. We Run, of course. Ah, c'est Fou 89.fm. Grew up way too fast, but if there was anything that I had. Run of Chorus de la formation Ghost House. Ça vient de leur album These Are Ghost House, l'autre album de la formation qu'on a reçu. Les deux datent dans le coin de 2006. Celui-là a quelque chose de spécial, c'est un EP. Et à l'intérieur, c'est le jeu officiel Ghost House Board Game. Board comme dans un jeu m'emmerde. Donc, vous pouvez acheter les 4 hippies de Ghost House dans une série qui s'appelle These Are the Good Old Year. Et les 4 hippies se combinent pour faire un jeu de société avec même un petit raton laveur, par exemple, dans celui-là à découper et à utiliser comme jeton. Si vous voulez, vous pouvez aller voir sur reluctantrecordings.com et puis payer 40$ canadiens pour acheter les 4 EP et une boîte en bois et tous les morceaux qu'il vous faut pour jouer à ce jeu de société. C'est magique. Donc, Ghost House, le Ghost House Band, c'est du soul acoustique visual. Selon eux, ils viennent de Beautiful Vancouver, en Colombie-Britannique. Les membres sont Jesse Gander à la voix, piano et autres, Alan Boyle, Steve M, Katie Lappy, Shannon Wood, Marissa Johnson, Laura Lee, Andy Dixon et Joel Tong. Beaucoup de gens dans ce band. Ils vont être en tournée un peu partout au Canada, du mois d'août au mois de septembre. Si vous voulez plus d'informations sur le band, allez voir ghosthousemusic.com ou encore le myspace.com/ghosthouseband. Maintenant, on passe à un autre album canadien, c'est de la formation Zwerg. L'album s'appelle Into the Fourth Dimension et voici tout de suite On Rave Wing à la chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous à C'est Fou 89.1 FM. Look in my eye, you can see I'm naturally high. Look at this face, take it to a dolly place. You take me to those crayons and skies, where our young eager hearts grow wide. 89.1. And I choose you. You're the deal I need. We are not afraid of death, so we're not afraid of life, 'cause love reigns. And they believe so live and cling, 'cause three are one. To Canaan draw me an eye and wipe my eye. It only takes 3 days to build a temple, so let's build a larger. R1 de Zwerg à la chanson coureur. Zwerg, un groupe de Moncton au Nouveau-Brunswick. C'est un groupe de psychédélique alternatif ambiant. J'espère que ça sonnait mieux à la radio que dans mes oreilles. Juste avant, c'était la pièce Unwavering, We're Done. Voilà, et c'est fait pour eux. Eldon Thiel, comme compositeur, piano, voix et clavier et musique ambiante, programmation, sample et bass. Les autres membres n'ont pas l'air d'être même listés sur le MySpace, c'est dommage pour eux. Mais quand même, il y a en tout cas plein de gens derrière sur la pochette, 2 jolies filles et puis 4 gars. Donc, si vous voulez plus d'informations sur le band, allez voir le zwergband.ca, c'est zwerg.ca, voilà, ou encore myspace.com/zwergband. Zwerg, c'est qui? Z-W-E-R-G. Maintenant, on passe à Carol Pope, Son nouvel album s'appelle Transcend. Elle vient de Los Angeles, en Californie. Voici tout de suite sa pièce titre Transcend. À l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous, la chance au coureur. Numb from too much attention, caught in the sun's reflection. I'm gonna transcend, I'm gonna transcend all of this. Versace color spin off rail, then bodies shock of new, then the bold acceptance. Feel like something shiny caught in your peripheral vision. I'm gonna transcend, I'm gonna transcend all of this. Le titre de l'album Transcend de Carole Pope à la chance au coureur, et je vais devoir être honnête et franc avec vous, je ne comprends pas ce qui se passe avec les disques canadiens cette semaine. On reçoit un paquet de vieilles affaires étiquetées avec l'année en cours. C'est écrit 2007 sur l'album, et là je vais voir sur Wikipédia, l'album est sorti en 2004. Donc si quelqu'un peut m'expliquer, c'était son premier album solo complet, donc Transcend qui est sorti en 2004, et C'est une nouveauté, on dirait, mais je me rappelais vraiment d'avoir vu la couverture. Je me rappelais de l'avoir écouté même, Transcend. Mais j'étais pas sûr, donc je l'ai fait jouer pareil, puis voilà ce que ça donne. Donc on va seulement lui laisser une seule pièce pour cette Carol Pope, mais si vous voulez plus d'informations, allez voir carolpope.com, Carol avec un E, Pope, P-O-P-E.com. Maintenant, on saute à un autre disque canadien qui, j'espère, celui-là date d'un petit peu plus récemment. Hein? C'est Percy Farm avec The Ends in the Beginning. Et voici The Miracle's Birth of the Mystery Child. Ah, la chance au coureur. Ah, c'est fou, 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Ah. Émission qui, elle, date vraiment de 2007. Is loaded. Soldiers are on display in the kitchens of worlds away. Step right up, folks, it's a miracle. Be among the first, lay eyes on a mystery child. Evil, it springs from a root, he'll snuff it out with his boot. And without any further ado, grab onto your hearts, we're about to get started. Wait, what has happened to the camera? The mule is on the lamb, and the mosquito's on the cheetah. Speaks the ways we live anyways today. I can't find the words to unlock and unload it. Step right up, folks, you gotta see this. Be among the blessed, attest to a beginning to gripe that thoughts out of season are ripe. The zebras are burning their stripes, the stars are on strike. I think this might be the end. Après la pause, plus de Percy Farm et Pixie à la chance au coureur. Vous êtes à la chance au coureur, on écoute l'album de Percy Farm, The Ends in the Beginning, et voici The Hour End. Et c'est un groupe montréalais à la chance au coureur. Thank you. distant din, hissing in the wind. Honey, shut the window up tight, we won't make it through the night. Crawl in case their eyes are lined, level with it. Those holes will hold you by a thread. Darkness draw us in you with a gentle downward pull. Dip into my skull, you will find there is misery in the mind. Don't contend with the hour hand. La formation montréalaise Percy Farm avec The Hour Hand à la chance au coureur. Un beau petit groupe comme ça, c'est tellement le fun. Leur premier album qui s'appelle The Ends in the Beginning. Il n'y a pas beaucoup d'informations à ce que je vois sur leur MySpace, qui est au myspace.com/PercyFarm, P-A-R-C-Y Farm, F-A-R-M. Ou encore, non, ils n'ont même pas l'air d'avoir de vrais sites. Les membres ont l'air d'être Daniel, Louis, Jamie, Tara et Melissa. Mais c'est tellement proche, leur affaire, en tout cas. Très, très bon. Je vais essayer de trouver d'autres informations sur le groupe pendant qu'on écoute une autre pièce. Voici tout de suite Fireflies in the Corn. À la chance. Au coureur. Fireflies in the corn, and your eyes delight. Percy Farm avec Fireflies in the Corn de leur album The Ends in the Beginning à la chanson coureur. Parlons un petit peu, s'il y a encore une fois, de Percy Farm, parce que j'ai lu leur biographie, leur document de presse qu'ils nous ont envoyé. C'est quand même intéressant comme histoire. Donc, The Ends in the Beginning, le titre annonce le thème de l'album selon eux, mais réfère aussi aux circonstances dans lesquelles l'album a été créé. Donc, l'histoire est la suivante. Quand l'enregistrement a commencé, c'était supposé être un album, une suite pour la formation Shoot the Moon. Voilà, qui s'appelait Where Strangers Live. Mais au début de la session, à l'été 2006, il y a eu des confrontations sur certaines chansons et les attitudes des gens et l'esthétique de l'album a causé la controverse dans le groupe. Donc, ce qui était fait jusque-là a été un petit peu gâché. Donc, l'idée d'avoir un collectif à 7 personnes était, selon eux, une très bonne idée, mais c'était impossible pour eux. Donc, la chanteuse principale, Nadia Bachalani, a quitté le groupe en plein milieu. Et ensuite, c'est quelqu'un qui jouait du viola. C'est marqué viola, comme ça. Ça a fait que le band a changé. Et Percy Farm, ensuite, est arrivé. Après une petite pause, Daniel, un des membres du groupe, a rassemblé un paquet de chansons et puis a donné ça au band. Puis, on recommence à travailler. Et en tant que groupe à 5 personnes, tout fonctionnait beaucoup mieux. Leur son s'est ouvert, voilà. Ils se sont sentis réénergisés. Voilà. Donc, une période de créativité sans précédent et une grande collaboration pour le groupe. Et à la fin de l'été, ils avaient fini d'enregistrer leur album au Treatment Room, un studio. Donc, si vous voulez plus d'informations sur le groupe Percy Farm, groupe montréalais, allez voir le myspace.com/Percy Farm pendant qu'on passe à la formation Pixseed, P-I-C-K-S-E-I-D. Leur album s'appelle A Happy Kind of Tragic. Et voici la pièce Full tout de suite à la chance. Au coureur sur la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est Fou 89 FM. Restez là plus tard, on va entendre du Matt Fuzz et son Game Boy. Je suis très excité d'entendre ça. C'est avec nous. Same old sound. Radio ain't enough, and it's driving me insane. C'est fou qu'il n'y a pas assez de punk à la radio. Vous écoutez La Chance au Coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Et ça, c'était la formation montréalaise Pixied avec une pièce qui se nomme Punk Radio. Justement, une pièce qui parle du fait qu'il n'y a pas assez de punk à la radio. C'est vrai. Justement, c'était la pièce Full. Leur album s'appelle Happy Kind of Tragic. Il nous reste une pièce à entendre, mais avant, parlons d'eux. Le tour a commencé en 2003, mais a vu son premier jour sur scène en 2004. Pixied est un trio avec de l'énergie à revendre provenant de Montréal, Québec. C'est évidemment un document de presse envoyé par le groupe. Un genre différent de ska punk avec tout entre le reggae dub et le punk hardcore parsemé de poésie anglophone et francophone. Plusieurs projets sont entamés pour le groupe comme une tournée au mois d'août et un album francophone d'ici début 2008. Leur nouveau CD à Happy Kind of Tragic est maintenant disponible. Et si vous voulez plus d'informations, allez voir le www.pixied.com, P-C-K-S-E-I-D.com ou encore le myspace.com/pixied. Vous pouvez entendre des pièces, dont celle qu'on s'en va entendre, Ride. Et les pièces sont tellement courtes qu'on va se permettre une quatrième pièce juste après. À la chance aux coureurs sur CFOU 89.1 FM. Strange, more strange feels familiar, the less you feel the same. The more you do it, less that it feels strange. So ride with me, you know that you can spare the time. Fly with me, come feel the way that you felt yourself spawn in your mind. Just fill me up to the brim, you know I can take it. And there ain't no way that I'll ever win, so why would I try to fake it? Cause the more you do it, the less it feels strange. Slowly become addicted, then it's not the same game. The more you do it, less that it feels strange. Addiction, know that I can relate. Know what it's like to have an entrance that is also an escape. Cause it's great, I sin ascension. Know the fall will be great until you swallow all your pride and finally admit your mistake. Cause the more you do it, less it feels strange. More strange feels familiar, the less you feel the same. The more you do it, less that it feels strange. The more you do it, the more it feels the same. You're wondering how it all started as you search for the blame. The more you do it, the more you feel shame. Think about all the victims, hoping you don't get the frame. Because the more you do it, the more it's the same. You're amazed at what's needed to be entertained. The more you do it, less that it feels shame. So ride with me, come on. Musique de demain. aujourd'hui. C'est fou, 89.1. Formation montréalaise Big Seed avec All I'm Asking For. All I want, all I'm asking for now is just a little bit of comprehension. Leur album s'appelle Happy Kind of Tragic. Maintenant, on transitionne. Voici un autre groupe canadien, Great Plains, avec leur pièce Warheads de l'album Home of the New Totem. À la chance au coureur, on découvre les nouveautés musicales avec vous pendant encore 1h10 à CFOU 89 FM. Traffic jam, diffuse particular congestion. We're all charged up with nowhere to go. We're all fired up and blowing like snow. Horizontal, on an island southwest of me. There's ball-faced boredom on another space next to me. putting out fires with the sweat that drips from my brow. And every night I try to comfort this lonesome apartment. It ain't pretty and it lets a cold draft in, but it's close enough to my friends. If I get to see them, I'll be thankful for the weekend. I will sleep in, but I can't keep it. Keeps me out until I can't keep up with the demands. I supply all this time for the working day. Spend it all in service of friends below and fights above. Oh, I'm screening my calls to take up arms against despair and its defense. I've been so proven, but the ears on the wall have overheard my plan. Take to as much as I can. Troisième heure, plus d'informations sur Great Plains et Hello Daylight, la chance au coureur. On commence la troisième heure par quelque chose de très très spécial. On dirait que l'album s'appelle Hello Daylight d'une formation qui s'appelle Gemma. C'est le contraire. T'arrives sur le site, c'est en genre italien, avec des images d'un anus ou je sais pas trop quoi. J'en parlerai tantôt. Vous écoutez la chance au coureur à Cifou 89 FM. You'll be stunned as I go down your course. And formation Hello Daylight avec l'album Gemma et la pièce Soft Media à la chanson coureur. Avant de parler de Hello Daylight comme ça, revenons un petit peu sur Great Plains qu'on écoutait il y a à peine 5 minutes. Je négligeais d'en parler, je trouvais que c'était important de le faire vu qu'on les a diffusés quand même. Donc le band s'appelle Great Plains, leur album c'est Home of the New Totem. Ils viennent de Halifax en Nouvelle-Écosse, comme ça, voilà, c'est un groupe de rock indie progressif. Vous pouvez aller les retrouver sur great-plains.ca. Les membres sont Sean McGillivray, Lucky McDonald et Jeffers Lennox. Ils ont des vidéos en spectacle, dont la pièce Pink and Orange. Et vous pouvez entendre des pièces, dont Warheads, qu'on a entendu tantôt, et on avait entendu aussi la pièce Karoshi. J'avais été chercher des informations sur le mot Karoshi parce qu'on avait eu un band ou un album qui s'appelait Pas de Karoshi. Je crois que c'était un band il y a quelques mois / années. Ici, la chanson coureur. Et le Karoshi, c'est un mot japonais, un terme japonais qui signifie mort par surtravail. Et ça désigne la mort subite de cadres ou d'employés de bureau par arrêt cardiaque suite à une charge de travail ou à un stress trop important. Le Karoshi est reconnu comme une maladie professionnelle au Japon depuis les années 70. Voilà donc pourquoi le band s'appelait Pas de Karoshi. Dans ce cas-ci, c'était une pièce de la formation Great Plains. Encore une fois, c'est le great-plains.ca pour les informations. Ce qu'on vient juste d'entendre, c'était encore une fois la formation Hello Daylight avec l'album Gemma. Je croyais que c'était le contraire, mais apparemment non, ce l'est pas, parce que leur site est sur le hellodaylight.com et leur site est vraiment spécial. T'arrives avec une page blanche écrite avec de gros textes en couleur. Tu vois des petits lapins et des fleurs, et là tu cliques sur Songs dans le menu, t'arrives sur... je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de le dire à la radio, mais sur des photos de vagin avec des onglets pour plusieurs pièces et des cours, si on veut, sur l'anatomie féminine. Et c'est écrit en, je sais pas si c'est de l'italien, je suis tellement ignorant, mais fronte davanti e fronte dietro. Ça ressemble à l'italien, selon moi. En tout cas, donc allez voir le hellodaylight.com pour plus d'informations. Et leur album s'appelle Gemma, G-E-M-M-A. C'est tout très confus pour moi, très confus. On va entendre une deuxième pièce qui s'appelle Big Mistake. Et juste après, je vous agace avec ça depuis le début de l'émission. Mais on va entendre Matt Fuzz et son Game Boy, qui, selon moi, en tout cas, ce qui fonctionne bien, hein, ça pourrait être un des candidats pour coureur de la semaine. Mais tout de suite, voici Hello Daylight, encore une fois. À la chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous, à la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est fou, 89.1 FM. Yeah. pressure to chop off your fingers? Shall I? It's such a big mistake. It's a big mistake. Voilà pour la formation Hello Daylight, avec la pièce Big Mistake de l'album Gemma à la chanson coureur. Plus d'informations, allez voir le hellodaylight.com. Maintenant, on transitionne vers ce que j'agace depuis plusieurs heures. C'est Matt Fuzz et son Game Boy. On va avoir le temps sûrement d'écouter peut-être les 5 pièces au complet dans l'émission d'aujourd'hui. On commence par la très courte pièce Triple Dose à la chanson coureur. Et son Game Boy. Et je pense qu'il n'y aura pas de conteste pour le coureur de la semaine cette semaine. C'était la pièce Triple Dose. On continue avec la pièce That Fire. Et pour plus d'informations, allez voir le myspace.com/MattFuzz et son Game Boy. Vous écoutez la chance au coureur et c'est quelque chose, hein. première écoute, je suis un peu moins sûr de celle-là. C'était la pièce That Fire de Matt Fuzz et son Gay Boy. Voici tout de suite Montréal en canicule, la troisième pièce. On va voir si ça revient. Oh, déjà mieux. Déjà mieux. C'est la chance au courage. Persévérer, hein? C'est fait, j'adore ça. C'était Montréal en calcul de Matt Fuzz et son Game Boy. Je vais tout de suite enlever le suspense, dire que ça va être le coureur de la semaine, je parlerai de lui tantôt. On enchaîne avec un groupe alternatif. Voici The Russian Futurist avec Paul Simon à la chance au coureur. Je m'excite trop vite, je sais. C'est une de mes grandes qualités. C'est fou. 89.1 FM. The Russian Futurist avec Paul Simon, précédé de Let's Get Ready to Crumble de leur album Me, Myself and Rye. Un groupe de Toronto, en Ontario. Ben oui, un groupe canadien comme ça, de pop psychédélique. Et vous pouvez les retrouver sur le RussianFuturist.com ou encore myspace.com/TheRussianFuturist. C'est le seul membre à l'air à être Matt Hart. Il n'y a pas énormément d'informations sur leur MySpace non plus. C'est dommage quand les artistes font ça, mais c'est quand même très mignon. Et vous pouvez écouter des pièces dont Paul Simon, dont Let's Get Ready to Crumble et dont Still Life. On écouterait si on avait 4 ou 5 heures d'émission comme ça. Ce serait facile de passer à travers tout ce qu'on a. On a tellement de choses. On passe à une formation qui s'appelle A Study in Her. L'album s'appelle Another Year in Philadelphia. Et voici tout de suite la pièce American Actor à la chance au coureur. Je la fais toujours. Quand ça finit par her, faut que je fasse ça. C'est drôle pareil. Ouais. On a du fun. Retour, on étudie un petit peu plus de Study in Her à la chance au coureur. Tout de suite à la chance au coureur, voici une autre pièce de Study in Her, Marry Me Up, C'est fou, 89.1 FM. Un accent de Roumanie, je pense. Don't put it Tear Me Up de la formation américaine Study and Her à la chance au coureur. Leur album s'appelle Another Year in Philadelphia. Et c'était très bon, c'est aussi encore beaucoup de belles choses américaines cette semaine. Donc, Study and Her, un groupe de indie rock, electronica de Philadelphie et Washington DC aux États-Unis. Leur album Another Year in Philadelphia sortira le 31 juillet prochain. Donc, un album qu'on a reçu très à l'avance. Les membres du groupe, c'est différent, qu'ils soient en direct ou en enregistrement. Donc, sur l'album, on entend Kostas Nakasis, Lucas Karskalden, Alex Edstrom, Justin Moyer, Tamara Black et plusieurs autres. Leur site web se situe sur le studyinher.com, studyinher.com ou myspace.com/studyinher. Vous pouvez entendre là-dessus des pièces dont Favorite Actor qu'on a entendu au départ. J'aurais dû remettre les choses dans l'ordre un petit peu, ça va peut-être paraître un petit peu confus. On vient d'entendre donc Mirror Me Up. Avant ça, c'était la pièce Favorite Actor. Et avant ça, on a entendu la formation de Russian Futurists. Et tantôt, je vous avais dit que je chercherais plus d'informations sur eux. Leur album s'appelle Me, Myself and Ride qui sort le 24 juillet. Et quelques petites informations, ils ont eu 3 albums acclamés par la critique de façon internationale. Hein? Mais ils n'étaient pas connus au Canada. Donc, ce qu'ils ont fait chez leur étiquette Upper Class, c'est qu'ils ont fait un amalgame de leurs meilleures pièces de leurs 3 précédents albums, tout remasterisé numériquement, de façon numérique, voilà. Et c'est sorti, voilà, sur Memphis Industries. Voilà, ça c'était au Royaume-Uni. Voilà. C'est bien ce que ça dit, en tout cas. Sinon, c'était sorti originalement sur Memphis Industries au Royaume-Uni, et là, ça sort sur Upper Class Recordings au Canada. Donc, c'est selon eux l'introduction parfaite aux Russian Futurists pour les nouveaux fans canadiens. Là, qui fait le tour pour eux. Et ce qu'on vient d'entendre, donc, c'était Study and Her. À ne pas confondre les 4 pièces qu'on a entendues de suite, ça en fait beaucoup de choses en même temps. On passe à un autre album alternatif américain. C'est la formation Hot Little Rocket. Hot Little Rocket qui vient... c'est canadien. Et je te dis que les choses sont toutes mêlées aujourd'hui. Non, c'est canadien, ça vient de Calgary en Alberta. On écoute de leur album How to Lose Everything. Voici la pièce Life Killers. À la chance, au coureur, à C'est Fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. C'est comme t'es triste. Faut que tu mettes la barre à la bonne place, puis là, ça tout descend d'un coup. Puis le cube, des fois, est dur à placer. Moi, c'est surtout les zigzags, ici. Ah. fou. 89.1 FM, la seule radio musicale. Avec l'album How to Lose Everything, ici à la chance au coureur, à CFU 89 FM, on vient d'entendre la pièce Spill It, précédée de Light Killers, leur premier single de cet album-là. Donc, parlons un petit peu de Hot Little Rocket, un groupe de rock indie jam band de Calgary en Alberta. Et les membres, wow, les membres ne sont même pas inscrits, c'est bien. HotLittleRocket.com, c'est leur site web. Oui, les informations sont ici. Je me cherche un peu. Donc, Hot Little Rocket. Et là, je vais lire leur document de presse, donc soyez assurés que ça va être très, très bon, selon eux. Hot Little Rocket, c'est un des groupes qui dure depuis super longtemps. Okay? C'est un des groupes les plus aimés du pays à avoir jamais sorti de l'ouest du Canada, et de la scène rock'n'roll là-bas. Depuis presque 10 ans, leurs chansons inoubliables, leurs performances en direct absolument époustouflantes, voilà, c'est ce que ça dit, sont restés dans les oreilles et dans les cœurs des indie rockers partout au pays. En février 2006, Hot Little Rocket a passé une semaine à Chicago avec l'ingénieur, le recording engineer légendaire Steve Albini. Albini qui a travaillé avec les Pixies, Nirvana et Stooges. Et puis ensuite ont sorti leur album, facilement leur meilleur album à vie, How to Lose Everything, qui est sorti partout le 26 juin dernier. Les membres sont Andrew Wedderburn en tant que chanteur, Matt Swan à la basse et Joel Nye à la batterie. Vous pouvez retrouver plus d'informations et écouter des pièces, dont celles qu'on a entendues sur le myspace.com/hotlittlerocket ou encore le hotlittlerocket.com. Voilà, donc leur nouvel album s'appelle How to Lose Everything et c'est en magasin depuis fin juin. On a terminé sur l'alternatif. Dans ce cas-ci, il nous reste quelques petits albums. J'ai décidé, malgré moi, parce que j'avais hâte de l'entendre, mais on a reçu un nouvel album de Chemical Brothers, We Are The Night, pour lui donner plus de place dans l'émission. Je décide de le garder pour la semaine prochaine. De toute façon, il va pouvoir nous attendre. Il va rester là pour nous. Donc, Chemical Brothers, la semaine prochaine. Pour l'instant, on va entendre une pièce, un single de reggae. Voici Selassie. Ils nous disent comment le prononcer. Ça dit Selassie. Selassie. Une chanson entendue et aimée par des millions de gens dans le jeu FIFA 06. Voici la pièce Run. À la chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. À CFOU 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Check out the real situation and take a run upon the road. Cause I and I don't wanna get so strong. So I say, go and run. Run up on the road. Let your heart beat faster, faster. It's gonna make your body stronger. So I say, go and run up on the road. Let your heart beat faster, faster. It's gonna make your body stronger. I am saying, don't you know, humility is power, power, power. Some people see as a weakness. I am saying, don't you know, humility is power, power, power. It's gonna make your body stronger. So I say, go and run up on the road, and let your heart beat faster, faster. It's gonna make your body stronger. I am saying, take a run and run up on the road. I say, let your heart beat faster, faster, faster, yeah. It's gonna make your body stronger. In Kajowwe, Koni Ona Hewa Lekewo. Oh, bama, eh. Bama chomi, bama chomi, bama chomi, bama chomi. Koni, Omi, Ashe Ohe. So deep, yeah, yeah. I feel I can carry the whole world on my shoulders. I am saying, see how this feeling runs so deep. So deep, so deep, so deep, yeah, yeah. It's gonna make a body stronger. So I say, go and run up on the road. Let your heart beat faster, faster. It's gonna make your body stronger. Run up on the road, I say, let your heart beat faster, faster, faster, yeah. It's gonna make your body stronger. That's what I say. And run up on the road. Let your heart beat faster, faster. It's gonna make your body stronger. I am saying, take a run and run up on the road. I say, let your heart beat faster, faster, faster, yeah. Gonna make your body stronger. I am saying, go. Gonna make your body stronger. Take it from me, I say go. Gonna make your body stronger. Body stronger, yeah, yeah, yeah, yeah. Go. Gonna make your body stronger. Take it from me, I say go. Gonna make your body stronger. Body stronger, yeah, yeah, yeah. Go. Le premier single du prochain album de Selassie à la chance au coureur, ça s'appelle Run. Selassie, donc, est un artiste de world reggae qui vient de Ghana, mais qui réside maintenant à Boulder, au Colorado, dans le même style que Bob Marley et Nat King Cole, selon son document de presse. Donc, la pièce titre de son prochain, de son premier album, en fait, donc Run, bien ça, oui, c'est ça, Run, était la vedette du jeu de Electronic Arts, le jeu multiplateforme FIFA 06. Et puis, donc, Selassie est passé de l'obscurité à un son reconnaissable partout dans le monde. Encore une fois, selon le document de presse. Donc, ça va sortir le 4 septembre prochain 2007. Donc, voilà, ça s'appelle Run. Et c'est l'artiste Selassie. Maintenant, on passe du reggae à de l'heavy metal pour transitionner vers rock classique qui commence à 13h le vendredi après-midi. Donc, la formation s'appelle Nodes of Ranveer. L'album s'appelle Defined by Struggle. Voici Endless Faith à la chance. Au coureur! Of Ranveer à la chance au coureur. Leur album s'appelle Defined by Struggle et la pièce c'était Endless Faith. Maintenant, magasinons rapidement pour écouter une deuxième pièce du groupe. Voici tout de suite Valjean. Et après ça, on courra notre coureur de la semaine. Vous n'avez pas besoin de demander c'est qui, vous le savez déjà. Yeah. la pièce valsant de l'album Defined by Struggle de la formation Nodes of Renvier, un groupe de metal hardcore rock. Et l'album sort le 24 juillet. Pour plus d'informations, allez voir le myspace.com/Nodes of Renvier ou nodesofrenvier.com ou encore passer par le unechance.com. Voilà, c'est la fin de la chanson courante pour cette semaine après ce métal qui vous a, j'espère, un petit peu défait les sinus. Donc, c'est la fin. C'est malheureusement la fin. Oui, moi, je vous retrouve à La Connexion, l'émission de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Ça, c'est les jeudis, samedis et mardis de midi à 14h. Dans les Palmarès, c'est fou, les vendredis soirs à 17h et les jeudis à 14h. La chanson courante est en direct le vendredi matin à 10h et en rediffusion les samedis et mardis à 14h. Si vous écoutez le vendredi, restez là parce que c'est Rock Classique avec Alain Lefebvre qui s'en vient dans quelques instants. Sinon, après la rediffusion, c'est La Dernière Porte à Gauche avec T1 et le meilleur de la musique québécoise en émergence. On se quitte avec Matt Fuzz. J'ai pas parlé de lui tantôt, j'avais promis que je le ferais. Donc Tetris rencontre Jens Lehkmann, Metroid versus la pop, Matt Fuzz rock le Game Boy, la musique 8-bit dans tous ses états. Tetris, c'est la version anglaise du texte. Donc un original qui compose ses bonnes chansons indie pop électro avec des sons de jeux vidéo, dit Philippe Renaud de La Presse. Et Matt Fuzz, de son côté, innove en composant des chansons en français à l'aide de la console portative, dit André Péloquin de Ici. Pour plus d'informations, allez voir le myspace.com/MattFuzz et son Game Boy. On se quitte avec la dernière pièce de son hippie. Voici Requiem for a Dream. Pourquoi pas? Et à la semaine prochaine, de l'épargne de toute l'équipe de la chanson coureur. Faites attention à vos genoux. Bonne journée, bonne chance. Ah, c'est tellement bon, MattFuzz.